Le poste d'écoute. Soleil ne brille pas pour toi.

que je me sens bien. C'est pas demain que je tracé mon parcours, j'y vais par instinct. Je vis chaque jour sans penser à son lendemain. Je fais pas les grands discours, moi je suis un gars de terrain. La vie se s'entoure, donc pas le choix de foncer. Je vais être ceux qui m'entourent, on fait de la musique pour triper. Je suis pas debout pendant le jour, c'est la nuit que je suis inspiré. C'est là que j'écris mes textes, puis je commence à pratiquer. Que je veux, je suis ma propre éthique. Mon parcours pour être heureux, c'est de faire de la musique. Je fais les sacrifices qu'il faut pour garder le rythme. Ma vie, je la jam, j'aime mon rap, je suis quelqu'un d'authentique. Je veux un peu ce que je veux, je suis ma propre éthique. Mon parcours pour être heureux, c'est de faire de la musique. Je fais les sacrifices qu'il faut pour garder le rythme. Ma vie, je la jam, comme toutes les tracks qu'on a jamais sur le disque. Sans penser à mes voisins, je vis mes nuits les plus folles, à jamais que mes musiciens. L'album pour nous, c'est pas une mode, c'est notre destin. J'ai eu des rêves avant d'être un homme, le tout se peint. Je continue à faire de la musique pour le fun, c'est ça que je retiens. À force de pratiquer, mes esquisses prennent forme. Regarde droit devant, jamming session s'en vient. Le poste d'écoute. J'ai la misère à trouver quelque chose d'authentique. Je lève les yeux vers le ciel, je vois que des fils électriques. Je garde par ma fenêtre un mur de briques. C'est rendu tard, je vois des choses qu'on fabrique. Tout devient moins vrai à force de colliger. On efface ce qui est imparfait, tout soit apporté. Moi je fais quoi quand j'aime ce qui est nature spontanée. C'est les petites imperfections qui viennent me charmer. On dirait que ça m'affecte tout, mon cœur surbalise. Autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. La nature serait tellement rare que j'oublie. Le milieu qui m'entoure, c'est celui qu'on a construit. On dirait que ça m'affecte plus, mon cœur surbalise. Autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. C'est peut-être temps que je le réalise. C'est peut-être temps qu'on le réalise. Je regarde dehors, je suis déçu du portrait. Je vois que la nature paie le prix de nos excès. On tasse tout ce qui est pur à grands coups de balai. Faudrait réfléchir avant qu'il n'y ait plus rien de vrai. Sans avertissement, mon environnement change. Tout ce qui m'entoure devient de plus en plus étrange. On transforme les décors trop vite et ça mélange. On remplace ce qui est déjà parfait et ça me dérange. Le circonvance, pas la chose la plus importante. On n'a pas su de la planète raser ce qui nous tente. On est pourtant un peuple différent et fort ensemble. Pourquoi qu'on se lèverait pas pour donner l'exemple? Que ça m'affecte plus, mon cœur sourd à les autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. La nature c'est tellement rare que je l'oublie.

got to run. You got to run. You got to. You got to run. You got to run. You got to run. Le poste d'écoute. Will it last so long? I'll wait until

wouldn't that